Bonjour, vous êtes bien chez Donald, je ne suis pas là pour le moment, alors laissez-moi un message après le bip sonore, ou bien parler à Gerald, l'homme armé qui garde les animaux. Merci. Vendredi 4 janvier, 9h01. Allô Donald, c'est Christy. On est vendredi midi, je suis à l'aéroport d'Heathrow. Je prie pour que ma surprise ne tombe pas à l'eau, je viens passer le week-end à New York. J'étais dans ma voiture à Fulham, j'ai vu un couple s'embrasser et... j'ai réalisé combien tu me manquais. Je veux passer le week-end avec toi. Quand tu écouteras ce message, regarde si tu me vois dans le ciel. On se retrouve dans 7 heures à New York. À tout de suite. Bonjour, vous êtes bien chez Christy. Je ne suis pas là pour le moment, alors laissez-moi un message après le bip sonore ou bien parler à Geraldo, l'homme armé qui garde les animaux. Merci, à bientôt. Vendredi 4 janvier. 14h02. Christy, c'est Donald. On est vendredi matin, il doit être 14h chez toi. Je suis à JFK. Surprise, je viens à Londres pour le week-end. J'étais à Boston pour une réunion de travail et il s'est passé quelque chose. Je te raconterai tout quand je te verrai. J'arrête pas de penser à toi et à la soupe poireau aux pommes de terre. Alors, réserve une table au Grouch au club pour 21h30. J'atterris à 21h. Je viendrai directement d'Heathrow. Je dois y aller, on embarque. Je t'aime, Christy. À dans 6 heures. What is this thing called love? Vous avez un nouveau message. De Israël Horowitz. Traduction Marie-Astrid Périmoni. Why should it make a fool of me? Salut Christy, c'est encore Jen. Décidément, on n'arrive pas à se joindre. Où es-tu, ma chérie? Les boutiques sont fermées maintenant. J'ai bien eu ton message. Bon, tu peux compter sur moi pour garder ton chat ce week-end. Mais rappelle-moi vite, parce qu'il faut que je récupère ta clé et le chat avant que tu partes à New York. Eh oui, ça peut aider. Je t'envie. Pourquoi est-ce qu'on viendrait pas avec toi, le chat et moi? Appelle-moi ce soir, à n'importe quelle heure. Je suis à Dulwich. Tu peux me joindre au 01 81 693 93 34. À toutes. Jeudi 3 janvier, 19h14. Donald, c'est de nouveau Phil. On n'arrive pas à joindre. Je suis vraiment désolé, mon vieux, mais je peux pas garder Figaro. Je pars à la Barbade voir un match de tennis. Une de ces beautés des îles. Elle s'appelle Velma. Elle est deuxième au classement national de tennis de la Barbade. Mais je suis ravi que tu ailles à Londres. Est-ce que ça veut dire ce que je crois que ça veut dire? Embrasse ma sœur pour moi, mais ne lui parle pas de la Barbade. Tu me le jures, hein? Allez, peace, love and mind the gap. Ciao. Jeudi 3 janvier, 21h18. Allô Jane, c'est Christy. Mais où es-tu? Je suis chez moi en train de faire ma valise. J'irai directement du bureau à l'aéroport. Il faut qu'on se parle pour régler cette histoire de clé. C'est parce que t'as décidé... Oui, je suis là. J'étais dans la salle de bain. Excuse-moi. Pas de problème pour le chat. T'as eu mes messages? Oui, super. Et ça t'ennuierait de venir t'occuper d'Amaryllis chez moi? Quoi? Tu veux que j'arrose tes plantes? Non, mon chat, Amaryllis. Ah, pardon. Je croyais qu'il s'appelait Figaro. Figaro, c'est le chien de Donald. Mon chat s'appelle Amaryllis. Mais bien sûr. Excuse-moi. Il est un peu patraque en ce moment. Ça te dérange pas de passer? Pas du tout. Je passe près de chez toi pour aller à mon cours de danse dans la rue Floral. C'est ce que j'espérais. Quelle vénarne! Tu pars à New York pour le week-end. Est-ce que ça veut dire ce que je crois, hein? J'en sais rien. Je verrai bien ce que je ressens une fois là-bas. Donald ne sait même pas que je viens, c'est une surprise. Et s'il est pas là? S'il est parti, lui aussi? Non, il est coincé à New York ce week-end. Il prépare un gros salon. Donald a déjà été marié, non? Non, jamais. Mais il a eu des relations longues. J'ai entendu dernièrement un philosophe norvégien expliquer que si le suicide n'existait pas, il se serait tué depuis bien longtemps. Eh ben moi, c'est si le divorce n'existait pas que je me serais tué depuis bien longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Est-ce que tu as un message pour Phil? Dis-lui que je vais bien et que tu crois que j'ai un amant slovène. Pourquoi slovène? Je sais pas. Je viens de voir le mot Slovénie écrit. C'est de là que viennent mes infusions. C'est marqué sur la boîte. Planinski Cage, importé de Slovénie. D'accord. Si tu veux que je dise à mon frère Philippe que tu as un amant slovène, je le ferai. Si Donald veut t'épouser, ce sera peut-être différent. C'est pas parce que mon mariage avec Philippe a été un échec que tous les mariages sont voués à la catastrophe. Je suis totalement déprimée. Pas de problème pour le chat. Hibiscus, amaryllis. Comment fait-on pour la clé? Je vais dire à ma secrétaire de passer te la déposer, elle habite à Brixton. Si je suis pas chez moi, dis-lui de la mettre dans la boîte aux lettres. Ok. Merci mille fois, Jane. Avec plaisir. Je t'appelle lundi, on pourrait déjeuner ensemble, je t'invite. Très bonne idée. Au revoir, Jane. Bon week-end. Jeudi 3 janvier, 21h, 18. Salut, Denis, c'est Allen. J'ai eu ton message à propos de Figaro. T'inquiète, je suis sur le coup. Rappelle-moi pour me dire où et quand je peux récupérer la clé, d'accord? Jeudi 3 janvier, 21h, 24. Salut, Denis, c'est Evelyn. Je serai en ville samedi soir. J'ai des places pour les Sons of Coltrane qui jouent au Blue Note à 22h. Ça va être trop cool. Ça fait 2 semaines que j'ai pas eu de nouvelles d'Allen. J'espère qu'il prend bien ses médicaments pour réguler son cholestérol. Enfin, c'est plus mon problème maintenant. Rappelle-moi. Vendredi 4 janvier, 21h58. Christy, je crois qu'on ne s'est pas du tout compris. Je suis au Groucho Club, il ne trouve pas ta réservation. Tu n'as pas dû avoir mon message. Je vais manger un morceau et j'irai chez toi vers 22h30 au plus tard. Si tu as mon message avant, rejoins-moi vite. Sinon, j'espère à tout à l'heure quand tu rentreras de là où tu te trouves. Je t'aime. Vendredi 4 janvier, 16h41. Salut Donald. Je suis aux deux gamins à Sheridan Square en train de manger une omelette. Je suis totalement épuisée par le voyage. Je pense que je vais rentrer chez toi faire une sieste. Donc ne sors pas ton flingue en rentrant en pensant que quelqu'un s'est introduit chez toi. Tu dois être à New York puisque Figaro était là, tout seul. Je l'ai emmené avec moi au restaurant, écoute. Dis bonjour. Lui au moins est content de me voir. Rentre à la maison quand tu auras ce message. Une femme endormie t'attendra dans ton lit. Vendredi 4 janvier, 16h43. Salut Donald, c'est Allen. Je comprends pas, je viens de passer chez toi mais il n'y avait pas de chien. Je vais au Blue Note. Les Sons of Coltrane y jouent ce soir et demain, je ne veux pas rater ça. J'essaierai de te rappeler plus tard. Vendredi 4 janvier, 22h08. Salut, c'est encore moi. Je suis dans un pub à Fulham, c'est presque l'heure de fermeture. Et tu n'es toujours pas chez toi. Je suis un peu pompette. Bon, je crois que ça a foiré. Tout est bizarre en ce moment. Écoute, je suis venu à Londres pour te raconter ce qui m'est arrivé. Alors voilà. J'ai dû passer par Boston pour une réunion qui avait lieu à Gloucester. Richard, mon cousin, travaille avec moi sur ce projet. Nous devions donc nous retrouver à la gare 128 puis prendre sa voiture jusqu'à Gloucester. J'ai donc pris le train de New York et au moment où j'allais descendre, il y avait une vieille dame qui bloquait le passage. Elle avait une énorme valise en plastique bleu et je me suis mis à discuter avec elle. Je lui ai demandé si elle allait rendre visite à de la famille, enfin des trucs comme ça, quoi. Elle était de l'île de Vancouver, bien plus loin que Washington. Elle venait de passer quelques temps chez sa nièce dans l'Ohio. Du coup, son autre nièce, qui elle vit à Biddeford, dans le Maine, l'avait appelée en disant « Tati, puisque tu es venu jusqu'ici, je t'en prie, prends le train pour Boston, puis le bus à côté de la gare du Sud, qui t'emmènera jusqu'à nous, à Biddeford. George et moi t'attendrons à l'arrêt de bus. » Bref. Alors que nous arrivions à l'arrêt de la gare 128, je lui ai demandé si elle voulait de l'aide avec sa valise. Elle m'a dit « Volontiers, je savais que vous étiez quelqu'un de bien jeune homme. » Ensuite, nous avons dû prendre 2 immenses escaliers pour passer au-dessus des voies. Sa valise pesait 1 tonne. Richard, mon cousin, m'attendait de l'autre côté de la voie. Je lui ai expliqué que nous devions accompagner cette dame à l'arrêt du bus. On a cherché, mais pas de bus. Il n'y avait qu'un numéro pour appeler la compagnie de taxi du coin. Je lui ai donc dit d'appeler un taxi qui la conduirait jusqu'au bus, que nous étions désolés, mais que nous étions déjà très en retard pour notre rendez-vous. Elle a très bien compris. Nous l'avons donc laissé là. Nous avons pris la voiture de Richard pour aller à notre réunion. La réunion s'est bien passée, puis Richard m'a déposé à Boston à l'hôtel Copley Square, je me suis couché, et au moment où j'ai posé la tête sur l'oreiller, j'ai soudain réalisé « Mon Dieu, cette vieille dame ne voulait pas descendre à la station 128, elle voulait aller à Boston. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de bus, je l'ai fait descendre du train au mauvais arrêt en plein hiver, elle doit avoir au moins 85 ans. » Je savais que je n'arriverais pas à trouver le sommeil, j'ai donc allumé la télé, et là, tu ne devineras jamais ce qui est apparu à l'écran. Les images d'un bus en flammes et l'info qui défilait en bas de l'image annonçant Biddeford dans le Maine. C'était le bus de Boston que je lui avais fait rater. un camion avait fait dévier le bus juste au moment où il arrivait à Biddeford. Il n'y a presque aucun rescapé. Si je n'avais pas fait descendre cette vieille dame au mauvais arrêt, elle serait sûrement morte à l'heure qu'il est. J'ai appelé la police pour m'assurer qu'elle ne faisait pas partie des morts et des blessés dans l'accident. Elle n'a jamais pris ce bus. Christy, je n'ai pas dormi de la nuit et je n'ai pas arrêté de penser au fait que... On ne s'inquiète jamais de ce qui n'arrive pas, on ne se préoccupe que de ce qui arrive. Je ne parle pas seulement de nous, mais des gens en général. On n'entend jamais quelqu'un dire comment se fait-il qu'il y a eu une attaque et pas moi. On s'inquiète parce que tout ce qui est tragique est aléatoire, mais on ne pense pas au hasard de ce qui n'arrive jamais. Je suis devenu obsédé par cette théorie, Christy. Combien d'occasions avons-nous chacun manqué dans notre vie? Toi et moi. Je veux qu'on prenne notre vie en main tous les deux. Qu'on se consacre plus de temps. J'ai 40 ans passés et tu as dans les 40 aussi. Bref, il faut qu'on parle. Où que tu sois, quand tu écouteras tes messages et plus particulièrement celui-là, rentre à la maison. Je t'attends et je t'aime. Vendredi 4 janvier, 22h18. Bonjour Christy. C'est maman, ma chérie. Je suis en route pour Londres et j'ai besoin de dormir chez toi. Ton père s'est comporté comme un monstre, une fois de plus. Je te raconterai quand je te verrai. Je serai là dans moins d'une heure. Vendredi 4 janvier, 17h21. Christy, t'es là? Décroche si tu m'entends. Allô? Christy, c'est Jen. Quelle heure est-il? Hein? 22h30 ici à Londres. Quelle heure est-il à New York? Il est 5h de moins, il doit être 17h30, je faisais la sieste. Donald n'est pas là. Où es-tu? Que se passe-t-il? Je t'appelle de ma voiture. Je sors de chez le vétérinaire. Christy, ton chat est mort. Quoi? Ton chat est mort. Ton chat est mort. Je suis allée chez toi juste après mon cours de danse pour lui donner à manger. Et Amaryllis était là, étendue, morte. Je l'ai emmenée chez le véto, mais c'était trop tard. Mais c'est pas vrai? Il a essayé de la réanimer, mais elle devait être morte depuis plusieurs heures. Mais enfin, Jane, on n'appelle pas les gens pour leur dire de but en blanc, votre chat est mort! Tu voulais que je dise quoi? Mais je sais pas! Tu pourrais avoir un peu plus de tact! T'aurais pu m'appeler et me dire... Il y a un petit problème, Amaryllis est sur le toit, on n'arrive pas à la faire descendre... Amaryllis est sur le toit, on n'arrive pas à la faire descendre... Bah voilà, c'est ça, elle aime faire la sieste sur le toit dans le jardin. Donc si tu m'appelles en me disant qu'elle y est et que t'arrives pas à la faire descendre, eh ben, moi je peux m'y attendre, ensuite tu rappelles, une heure plus tard et tu... Elle est morte. C'est ça. Je suis désolée. Ça va. Je suis vraiment, sincèrement désolée. Ça va aller... T'as pas réfléchi, je faisais la sieste et je m'attendais pas à ce que... Mais quel égoïste je fais! Je pense qu'à Phil et à son comportement de goujat. Pourquoi est-ce que je suis restée mariée avec lui? Mais c'est ton frère après tout, explique-moi s'il te plaît. J'aurais dû avoir la délicatesse de te dire que ton chat était coincé sur le toit. Et quel imbécile! Dis pas ça, Jane. Tout m'est pas ça. T'es juste préoccupée. Je suis désolée, j'ai mal réagi, je dormais. Je suis désolée. Allez. Jane, reprends-toi. J'essaye. Le vétérinaire va s'occuper de tout. D'accord, d'accord. Tu peux le payer, s'il te plaît, je te rembourserai. Oh non, je t'en prie. Laisse-moi moi payer ses obsèques. Certainement pas, c'est pas ta faute du tout. Mais si. Je t'avais promis de m'occuper d'elle avant mon cours de danse. Et j'y suis allée après. Je me suis dit que je prendrais une douche chez toi après le cours au lieu de reprendre la voiture en nage. Peut-être qu'Amaryllis serait toujours en vie si j'y étais allée avant mon cours. Comme je t'avais promis, j'aurais pu la sauver. Je me demanderais toujours, et si... Jane, ça suffit maintenant. Reprends-toi. Je prendrai un autre chat. Je sais, je suis juste au bout du rouleau à cause de l'infidélité de Phil. Mais enfin, Jane, ça fait des années qu'il te trompe. Ça a commencé bien avant votre mariage, tu l'as toujours je su. Je sais. T'as toujours dit que ça comptait pas. J'ai menti, ça a son importance. Mon Dieu. Faites attention, enfin. J'ai failli renverser une vieille dame. Regardez où vous allez. Pardon. Pardon, je suis désolée. Jane, ça va, t'as rien? Je me suis pas arrêtée au passage piéton. J'ai failli tuer une vieille dame avec une énorme valise bleue en plastique. J'ai failli la tuer. Est-ce que tu l'as touchée? Je l'ai loupée de justesse. Un vieux monsieur l'a rattrapée à la dernière minute et l'a mise à l'abri. À un millimètre près. Oh, Oh là là! Jane? Jane? Jane! Attends, je vais me garer. Faut que je reprenne mes esprits. Oh mon Dieu, Christy, c'était limite. Je devrais partir en voyage comme toi, c'est ce que je devrais faire. J'ai besoin de faire un break de cette routine. Je vais au travail, je rentre chez moi, je pars de chez moi, je vais au travail, c'est toujours la même chose. Je déteste ce quartier. Dalitch. Vraiment, Christy. C'est d'un ennui. C'est parce que Phil est d'ici que j'y vis. De toute façon, il n'est plus jamais là. Parce que lui aussi déteste ce quartier. Et moi avec, qui suis tout aussi ennuyeuse. Enfin, Jane, reprends-toi. Arrête de sangloter et prends ta vie en main. Je sais, je sais. Je sais. J'ai besoin de me poser un instant et de réfléchir. Bonne idée. Je te rappellerai tout à l'heure, Christy. Non, pas ce soir. À moins que ce soit pour une urgence, mais il faut que je dorme. Vendredi 4 janvier, 23h12. Christy, c'est moi. Bon, tu n'es toujours pas rentrée. Je suis dans une cabine informe. Je viens de voir un couple s'embrasser. Ça m'a fait réaliser à quel point je t'aime, mon amour. Ouais. C'est tellement mignon. C'est bien Donald. Allô? Donald? C'est Dot, à l'appareil. La mère de Christy et de Phil. Ah, comment allez-vous, Dot? Vous étiez donc de sortie? Non, vous n'y êtes pas, non. Non, malheureusement, Alfred et moi, on ne s'entend plus du tout. Non, je parlais de vous et de Christy. Ah oui, mais je m'entends à merveille avec Christy, très cher. Pourquoi cette question? Non, je voulais dire, étiez-vous de sortie avec Christy ce soir? Ah, je viens tout juste de comprendre, non! Non, non, je ne sais pas où elle est. Le chat a disparu aussi. Puis, je vous entends de loin. Êtes-vous à New York? Je suis à Fulham. Fulham? Fulham? Ici? À Londres? Je suis là pour le week-end, je voulais faire la surprise à Christy. Elle n'est pas là, mon cher. Le chat non plus, d'ailleurs. Vous dormez chez Christy? Oui, et vous? Vous dormez à Fulham? Non, je me balade. Je suis arrivé de New York il y a quelques heures. Comment êtes-vous venu jusqu'ici? En avion. Je suis arrivé à Heathrow. Mon Dieu, vous avez marché de Heathrow à Fulham? Non, non. J'ai marché en attendant que Christy rentre chez elle. Je ne sais pas où elle est. Je suis venu de ma campagne, car Alfred s'est de nouveau très mal comporté avec moi. Ça ne vous ennuie pas si je dors chez Christy aussi? Je dormirai sur le canapé du salon. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Je ne vais pas tarder. Prenez un taxi, mon cher. Ça fait une trotte de Fulham jusqu'ici. C'est ce que je vais faire. Merci, Dot. Si vous ne me trouvez pas dans l'appartement quand vous arrivez, c'est que je suis sur la terrasse, sur le toit. La nuit est claire et j'ai besoin de faire mon yoga. Vendredi 4 janvier, 18h23. Christy, c'est encore moi. J'ai pris une grande décision. J'ai plein de jours de congé que je ne prends jamais. L'agence de voyage du coin sur Tottenham Court Road propose un séjour d'une semaine, tout compris à la Barbade, pour 600 livres. Je vais réserver. Je vais aussi te laisser un message sur ton répondeur à Londres. Je voudrais pas que tu t'inquiètes de ne pas savoir où je suis pendant une semaine. Je t'embrasse. Bye bye. Vendredi 4 janvier, 23h26. Salut Christy, c'est moi. Je te laisse donc le même message à Londres que celui que je viens de laisser sur le répondeur de Donald à New York. Je pars à la Barbade. Jane, c'est vous? Maman Dot? C'est bien moi. Comment allez-vous, ma chérie? Et où est ma fille? Oh, mais vous n'êtes pas au courant? Non. Elle est partie. Elle a pris un téléphone. Vendredi 4 janvier, 18h51. Allô, Christy, c'est Donald. Décroche si tu es là. Allô? Bon, tu dois être sorti. Je sais que tu es à New York. Je suis chez toi, à Londres. Christy, il y a un problème. Ta mère est sur le toit, on n'arrive pas à la faire descendre. Rappelle-moi dès que tu peux. Samedi 5 janvier, 10h07. Donald, c'est Phil. Excuse-moi, je me sens vraiment con à t'appeler et parler à ton répondeur à New York. Je sais très bien que t'es à Londres. Mais j'espère que tu consulteras tes messages à distance. Don, est-il possible que Jane soit à la Barbade, elle aussi? Quelqu'un me suit depuis bientôt une heure et j'ai comme l'impression que c'est Jane. C'est complètement fou, non? Tu n'as rien dit à Christy, n'est-ce pas? Oh, bien joué, Velma, bravo. Elle s'en sort très bien. Elle a remporté le premier set. C'est la balle de match. Velma Branch. Balle de match. Philippe ! Oh mon Dieu, Donald, c'est elle, c'est Jane. Jane ! Oh, je suis content de te voir, mais que fais-tu là ? Donald a dû te dire que je voulais que tu me rejoignes ici. C'est Jane, elle vient juste d'arriver. C'est drôle, je suis justement au téléphone avec Don. Oh, je suis content qu'il ait pu te prévenir, mon amour. Set et match. Velma Branch. C'était pour toi, Phil, mon amour. Ah, mais vous devez faire erreur, mademoiselle. Une joueuse de tennis. Phil, qui est-ce? Je ne sais pas. Mais quel connard! Samedi 5 janvier, 15h13. Donald, c'est moi. Je me suis pas réveillée, j'ai écouté une partie des messages et je viens d'entendre le tien à propos de ma mère. Donald, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, est-ce qu'elle est morte? Je sais pas quoi faire, est-ce que je dois rentrer à Londres tout de suite? Rappelle-moi, s'il te plaît, vite. Samedi 5 janvier, 10h13. C'est moi, Christy. Ta mère va bien. Elle faisait son yoga sur le toit et la porte s'est refermée derrière elle. Je sais pas comment, mais elle a fait tomber la clé par-dessus le balcon. Elle était tombée dans le chapeau d'un vieux monsieur qui passait devant la maison. Et figure-toi que ta mère et lui sont partis manger indien ensemble. C'est complètement dingue. Il a dit que des choses incroyables lui étaient arrivées hier soir. Apparemment, il a sauvé la vie d'une vieille dame qui a failli se faire renverser sur un passage clouté. Bref, je vais bien. Ta mère va bien. Je saute dans le prochain avion pour New York et je vais te demander en mariage. J'ai un vol charter cet après-midi sur la compagnie Air Caraïbes. Et le vieux monsieur a une agence de voyage sur Tottenham Court Road. C'est lui qui a géré ma réservation. L'avion fait escale à New York avant les Caraïbes. Samedi 5 janvier, 10h40. Bonjour. Ceci est un message pour Monsieur Donald Schwartz. Je suis Madame Higgins, la dame que vous avez aidée à descendre du train en direction de Boston. J'allais à Biddeford, dans le Maine. Je suis descendue à la mauvaise gare, Monsieur Schwartz. Mais ce n'est pas plus mal, car le bus que je devais prendre a eu un terrible accident. Bien entendu, je n'ai jamais trouvé l'arrêt de bus. Et il se trouve que le chauffeur du taxi que j'ai pris était en fait le frère du mari de ma nièce. C'est incroyable. Il m'a conduit chez Alice et Henry. Nous sommes tous à New York. Je reprends l'avion cet après-midi. Nous aurions aimé vous inviter à déjeuner si vous êtes libre. Ma nièce connaît un bon petit restaurant français qui s'appelle « Il s'en est fallu d'un cheveu » près de chez vous, dans Greenwich Village. Rappelez-moi si vous pouvez vous joindre à nous vers midi. Le numéro de l'hôtel est le 212-929-0027. Au revoir. Samedi 5 janvier, 16h10. Donald, c'est moi. Je peux pas rester là à attendre d'avoir des nouvelles de ma mère. Je viens d'aller à l'agence de voyage sur Greenwich Avenue. Et Agnès m'a mis sur la liste d'attente du vol qui part de Newark à 13h. Je vais à l'aéroport dès maintenant. On se retrouve ce soir. Je vais essayer de rester calme. Je t'aime, Donald. Samedi 5 janvier, 11h21. Allô, Denis, c'est moi, Allen. Je suis chez Evelyn. On s'est retrouvés au concert des Sons of Coltrane et on a fait la fête toute la nuit avec le groupe. On va se remarier. T'y crois, toi? Je veux que tu sois mon témoin. On a pris Figaro. Appelle-nous quand tu rentres et je te le ramène. Il est super, ce chien. Je t'aime, mec. À plus. Samedi 5 janvier, 17h25. Donald, je suis à l'aéroport sur le point d'embarquer. J'ai failli rater l'avion, il y avait un énorme incendie au coin de Bleecker Street. Tu sais, dans ce restaurant français au nom très long, il y a eu une explosion, je te raconte pas les embouteillages. Enfin, j'y suis arrivée, j'ai une place dans l'avion et je serai bientôt là. Je viens d'appeler mon père à Reading, il a parlé à ma mère au téléphone il y a tout juste 10 minutes, donc je sais qu'elle va bien. Mais apparemment, ils se sont disputés, tu me diras, c'est pas nouveau. On embarque, à dans 6 heures, bye. Samedi 5 janvier. 12h18. Monsieur Schwartz, c'est à nouveau Madame Higgins à l'appareil. Vous ne m'avez pas rappelé, j'en ai déduit que vous n'aviez pas eu mon message. oublié l'histoire du restaurant français. Finalement, nous sommes restés déjeuner à l'hôtel puisque nous n'avions pas de nouvelles de vous. Je tenais à vous remercier encore une fois de ce que vous avez fait pour moi, que vous l'ayez voulu ou non. Eh bien, au revoir. Allô, ici Christy Adams, code 5678B, comme Bernard. Je suis de retour à Londres, j'aimerais écouter mes messages, les nouveaux et les sauvegarder. Bien sûr, un instant s'il vous plaît, le temps de vous connecter. Merci. Vous avez 12 nouveaux messages et un message archivé. Premier nouveau message reçu vendredi 4 janvier à 14h02. Christy, c'est Donald. On est vendredi matin, il doit être 14h chez toi. Je suis à JFK. Salut Christy, c'est encore Jen. Décidément, on n'arrive pas à se joindre. Où es-tu, ma chérie ? Christy, je crois qu'on ne s'est pas du tout compris. Je suis au Groucho Club, il ne trouve pas ta réservation. On s'inquiète parce que tout ce qui est tragique est aléatoire, mais on ne pense pas au hasard de ce qui n'arrive jamais. Bonjour Christy. C'est maman, ma chérie. Je suis en route pour Londres et j'ai besoin de dormir chez toi. Ton père s'est comporté comme un monstre, une fois de plus. Christy, c'est moi. Bon, tu n'es toujours pas rentré. Je suis dans une cabine, infâme. Je viens de voir un couple s'embrasser. Donald, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Est-ce qu'elle est morte? Pas rester là à attendre d'avoir des nouvelles de ma... Je vais à l'aéroport dès maintenant. Pirater l'avion, il y avait un énorme incendie au coin de Bleecker Street. Tu sais, dans ce restaurant français au nom très long, il y a une explosion. Fin des nouveaux messages. Vous avez un message sauvegardé. Message reçu mercredi 8 décembre à 19h16. Christy, c'est moi. Je vais pas venir à Paris finalement. Bon, je sais que ça va te faire un choc, qu'on avait prévu de partir ensemble, mais je ne veux plus me marier, Christy. Mes parents ont divorcé, se sont remariés ensemble trop de fois et je n'y crois pas. Enfin, si j'y crois, justement, j'y crois beaucoup trop. Et je ne peux pas le faire, Christy. Ce n'est pas à cause de toi, tu n'as rien fait ni dit de mal. Si je devais me marier, ce serait avec toi, mais je ne me marierai pas. Je suis désolé de te faire ça. Essaye de me pardonner, je t'en prie. Je t'aime. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this. Répondeur 91799. A d'Amélie, D de David. J'aimerais écouter mes messages. Nouveau ou archivé? Tous, s'il vous plaît. Un instant, ne quittez pas. Vous avez 13 nouveaux messages et un message archivé. Premier nouveau message, reçu vendredi 4 janvier à 9h01. Allô Donald, c'est Christy. Je suis à l'aéroport d'Heathrow. Je prie pour que ma surprise ne tombe pas à l'eau. Je viens passer le week-end à New York. Donald, c'est de nouveau Phil. On n'arrive pas à joindre. Je suis vraiment désolé, mon vieux, mais je peux pas garder Figaro. Je pars à la Barbade voir un match de tennis. Une de ces beautés des îles. Elle s'appelle Velma. Salut, Donald. Je suis aux deux gamins à Sheridan Square en train de manger une... Salut, Donald. C'est Alain. Je comprends pas, je viens de passer chez toi, mais il n'y avait pas de chien. Christy, il y a un problème. La mer est sur le toit, on n'arrive pas à la faire descendre. Oh, bien joué, Velma, bravo! Avantage, Velma Branch. C'est facile, oh mon amour! Mais vous devez faire erreur, mademoiselle. Je... Le yoga sur le toit et la porte est refermée derrière elle. Je saute dans le prochain avion pour New York et je vais te demander en mariage. Madame Higgins, la dame que vous avez aidée à descendre du train en direction de Boston. On va se remarier, t'y crois toi? Je tenais à vous remercier encore une fois de ce que vous avez fait pour moi. Que vous l'ayez voulu. Fin des nouveaux messages. Vous avez un message sauvegardé. Message reçu mercredi 8 décembre à 14h16. Donald, mon amour. Donald, je t'en prie, pardonne-moi d'avance pour ce que je vais te dire. Je ne viendrai pas te rejoindre à Paris. Je peux pas. Je suis terrifiée à l'idée de me marier. Après tout ce que j'ai vu de mes parents, je n'arrive pas à m'imaginer mariée. Ça n'a rien à voir avec toi, Donald. Essaie de me croire. Je veux pas que tu croies avoir mal fait ou pas fait quelque chose. Non, non, c'est moi, c'est tout. Et eux. Je t'aime, Donald. S'il te plaît, crois-moi. C'est la vérité. Mais je ne peux pas t'épouser. J'espère que tu auras ce message avant de partir à Paris, et sinon... Eh ben... J'espère que tu rencontreras quelqu'un de mieux. Le monde est si vaste. Allô ? Allô ? C'est moi. Tu es vraiment rentré à New York ? Tu es vraiment rentré à Londres ? Tu as récupéré Figaro ? Oui. Et Alan et Evelyn vont se remarier. Ma mère a laissé tomber mon père à Reading. Il a le cœur en morceaux. Jane a laissé tomber Phil dans un hôpital à la Barbade. Il a le bras en morceaux. Ma mère sort avec un vieux monsieur qui habite juste à côté de chez moi. Phil sort avec son orthopédiste. Jane l'a frappé avec une raquette de tennis. Comment va Jane ? Elle va bien. Alors, tout est parfait. Jane va bien. Ma mère va bien. Alan et Evelyn vont bien. Et nous, Donald ? Comment va-t-on, nous ? Nous ? Toi et moi ? On va super bien. On va se marier. Nous ? Nous marier ? Tu parles de Donald et Christine ? Oui, oui, oui. Ces deux-là. Tu penses qu'on devrait ? Ah oui. C'est trop fatigant qu'on soit pas mariés. Donald, je t'aime, mais peut-être que ça ne doit pas se passer comme ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça ne doit pas se passer comme ça et on doit se marier. Tu le penses vraiment ? Oui, et même j'en suis sûr. Je t'aime, Donald. Mais ce n'est pas une assez bonne raison pour ne pas se marier. Alors on se marie où ? À Paris. Quand ? Regardons dans nos agendas. Que dirais-tu du 9 février ? Le 9 février, c'est bon pour moi. Alors va pour le 9 février. Vendredi 8 février, 21h18. Donald, je suis porte 34B à Roissy et je ne te vois nulle part. Vendredi 8 février, 21h18. Mais enfin, Christy, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Je t'attends porte 34B à Orly. Je te vois nulle part. C'était Vous avez un nouveau message de Israël Horowitz. Traduction Marie-Astrid Périmoni. Choix des textes Gérald Garouti. Conseillère littéraire Laurence Courtois. Avec Pauline Moulin, Christy, Fabien Orcier, Donald, Christine Gagneux, Dot, Marie Daude, Madame Higgins, Frédéric Lollier, Jane, Mohamed Rouabi, Phil, François Briot, Alain, Christine Braconnier, Evelyn, Célia Rosich, Velma Branch, et les voix de Andrea Brusque, Antoine Berry Roger, Marlène Goulard, Vincent Dosseres, Bruitage Bertrand Amiel, Prise de son, Montage, Mixage Claude Gnor, Cécile Braque, Assistante à La réalisation Laure Hélène Planchet, Réalisation Laure Egoroff. I'm tired, so tired. Let's settle down, settle down. Let's settle down, oh darling. You know that I